حسني بك لقدار وكره اليوم بعدك كره اليوم بعدك كنت لي واسل لي إثار حتى غبت وعيني بكار يا عمري عشقك نار راهي في قلبي شعلات راهي في قلبي شعلات qui retrace chaque trait de mon visage, la plus belle page de mon histoire, déchirée depuis que je cessais de te voir. Seulement je savais que tu n'étais que de passage, tel un nuage, comme réveillant de ce rêve étroit. Je serais tombé du doigt le toit de la maison qu'on a bâti s'est effondré. Après toutes les batailles que j'ai menées, malgré les nuits que je vis en jour, mon amour te sera toujours fidèle. Éternelle image gravée dans ma mémoire, tout ce soir passé entre tes bras, ma bien-aimée. Que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour être jamais heureux. راهي في قلبي شعلات راهي في قلبي شعلات